Écrire, comme tous ces écrivains aux histoires alléchantes, ou dénuées de sens, écrire le vrai, ou des histoires insensées, écrire la vie, le passionnant ou la monotonie, écrire avec ou sans avis, écrire juste les faits, juste, ou bien en rajouter, embellir ou affaiblir, écrire pour soi ou pour quelqu'un, écrire pour gagner la vie, croyant être utile, écrire pour un journal, pour un livre, pour des gens, pour des films, pour des séries, pour des administrations, pour des notices, écrire, être nègre, être percutant, écrire, pour lire, écrire et relire, écrire des mots qui s'enchaînent sans un sens précis, avec des jeux de mots, pour des sales combles, pour des sales combles, pour un esprit d'être, pour les publicités, symboliser sa pensée, critiquer, être pour ou mécontent. Dessiner aussi, peindre, c'est écrire, tenir un manche, jardiner, c'est par l'outil, qu'on se révèle, créer par la main, utile, détruire, écrire, son chemin, sa vie. Est-ce que le destin est écrit? Écrire, écrire à l'infini sans relâche, écrire pour qui, pourquoi? Pour se soulager? Pour ne pas garder en soi des sentiments qui pourraient au fond nous tuer. Écrire sur tout et sur rien du tout. Tout écrire et corriger, changer un mot, une phrase, une partie. Ou tout réécrire, jeter le tout, ou garder tout, ne rien changer. Avoir la phrase en tête et elle s'évanouit. Quand on a le crayon, le papier, le temps, écrire. Écrire, effacer. Effacer l'histoire du passé. Effacer le passé. L'histoire, le passé. Ça y est, tout est changé. Immortaliser un instant, un fait, écrire. Dans la roche. Et le fait d'écrire est tout redit. Pourquoi écrire figé? Parler. Le changer, jamais le changer sur la même tonalité, jamais le parler sur la même. N'est pas imputrescible, parler. N'est pas parole d'évangile, parler, gueuler, chanter, murmurer, crier, hurler. La souffrance, le bien, être, parler. Chanter, grogner, parler, raconter, humoriser, dramatiser, culpabiliser, blanchir, guérir avec les mots. Tu peux rêver, tout imaginer, tout changer de monde, d'univers, de réel. Tellement de mots pour exprimer une pensée, tellement de voix, tellement inexploitées, tellement de chemins en dehors des allées, de passages dérobés, tellement de croyances erronées, tellement de matières trop utilisées, d'autres. C'est que l'on ne sait plus quoi faire, quoi en faire, et d'autres. Ces femmes et ces hommes, et les autres, tellement d'être, centre du soi, centré sur soi, centré, condamné, quoi, tellement, et les autres, être, matière, tellement, de fausses directions, cruauté. Aux accents de vengeance, nourrir la haine, ces gosses. Vouloir les tuer tous, exterminer le monde. Pour retrouver le tableau de table vide, aussi revenir au début, sans écrire, sans parole, sans tracé, sans aucun lieu, sans aucun lien. La particule au milieu du rien, au milieu du tout, là et tous les ailleurs, et là, être l'essentiel, être là, plus de passé, plus d'avenir, la lumière s'éteint, le temps, l'espace, le sens, le néant de l'infini. Je ne sais plus ce que j'écris. Non mais alors, je ne sais plus ce que j'écris. Si demain, as-tu recommencé?